Thank you. Thank you. Vous venez d'entendre, transmis depuis la salle de l'Aubette par les soins de la radiodiffusion française, la deuxième séance de musique de chambre donnée par le quatuor Busch, composée de Adolphe Busch, violon, Bruno Stroman, violon, Hugo Gottesman, alto, Hermann Busch, violoncelle, avec le concours de Ida Presti, guitare, René Leroy, flûte, Albert Berchmann, alto, et Auguste Wensinger, violoncelle. Ici, Strasbourg, Radio-Diffusion française.